Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton. Question 115. De la flatterie. Si la flatterie est un péché grave. 1. La flatterie est-elle un péché? Malheur à ceux qui préparent des coussins pour tous les bras. Ézéchiel 13, 18. Vouloir plaire en toutes choses par ses paroles. Ce serait péché par un excès de complaisance. L'amitié ou affabilité ne craint pas de causer du désagrément et de la tristesse, quand il le faut pour produire un bien ou écarter un mal. Le flatteur dépasse, dans l'espoir d'obtenir quelque avantage, la juste mesure de cette vertu, en s'efforçant trop de plaire par ses paroles ou par ses actes. Cela seul prouve que l'adulation ou la flatterie est un péché. Note. On tombe dans ce vice, lorsqu'on loue quelqu'un pour des choses mauvaises, incertaines, ou propres à inspirer de la vaine gloire. Fin de la note. 2. La flatterie est-elle un péché mortel? Si la flatterie consiste à louer les péchés de quelqu'un, si elle a pour but de lui nuire insidieusement dans son âme ou dans son corps, si elle lui fournit une véritable occasion de pécher mortellement, elle est, dans ces trois circonstances, un péché grave. Mais si l'on flatte une personne dans la seule intention de lui faire plaisir, d'éviter un mal, d'obtenir un secours, une telle action n'allant pas contre la charité, le péché n'est pas mortel, il est véniel. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.